serait pas si provocante, offrant du bonheur aux passants. Ainsi que toutes les femmes, nous avons une âme, un cœur pour chérir. Pourtant nul ne s'en inquiète, nous ne sommes faites que pour le plaisir. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux. Ils sont tous les mêmes, des blasés, des vicieux. Quand l'instinct les guide, que cherche-t-il en nous? Une étreinte rapide et c'est tout. Quand de nos caresses, ils ont payé le prix, bien vite ils nous laissent d'un air plein de mépris. L'amour, ce problème, ça compte pour bien peu. Si les hommes nous aiment, c'est pour eux. On devient triste, on devient folle. Et puis tout à coup un beau jour, lassé de vivre toujours seul, on écoute des mots d'amour. La vie vous semble idéale, mais hélas le mal devient exigeant. Et bientôt l'on s'en rend compte, pour lui ce qui compte, ce n'est que l'argent. Les hommes nous aiment pas pour nous, mais pour eux. Ils sont tous les mêmes et cachent bien leur jeu. De façon adroite, ils se font tout d'abord, et puis ils nous exploitent sans remords. Au lieu de caresses, quand on rentre chez nous, hélas, on encaisse des injures et des coups. L'amour, ce problème, ça compte pour bien peu si les hommes.